Jérémie chapitre 41. Or il arriva, au septième mois, qu'Ismaël, fils de Netanja, fils d'Élisama, de la race royale, et l'un des principaux de chez le roi, et 10 hommes avec lui, vinrent vers Guédalja, fils d'Ahikam, à Mitzpah, et ils mangèrent là du pain ensemble à Mitzpah. Mais Ismaël, fils de Netanja, se leva, et les 10 hommes qui étaient avec lui, et ils frappèrent avec l'épée Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Saphan, et on le fit mourir, lui que le roi de Babylone avait commis sur le pays. Ismaël frappa aussi tous les Juifs qui étaient avec lui, c'est-à-dire, avec Guédalja, à Mitzpah, et les Chaldéens, gens de guerre, qui furent trouvés là. Et il arriva que le jour après qu'on eût fait mourir Guédalja, avant que personne le sût, quelques hommes de Sichem, de Silo et de Samarie, en tout 80 hommes, ayant la barbe rasée, les vêtements déchirés, et s'étant fait des incisions, vinrent avec des dons et de l'encens dans leurs mains, pour les apporter en la maison de l'Éternel. Alors Ismaël, fils de Netanja, sortit de Mitzpah au devant d'eux, et il marchait en pleurant, et quand il les eut rencontrés, il leur dit, « Venez vers Guédalja, fils d'Ahikam. » Mais sitôt qu'ils furent venus au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netanja, accompagné des hommes qui étaient avec lui, les égorgea, et les jeta dans une fosse. Mais il se trouva 10 hommes entre eux qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais point mourir, car nous avons dans les champs des amas secrets de froment, d'orge, d'huile et de miel. » Et il les laissa, et ne les fit point mourir avec leurs frères. Et la fosse dans laquelle Ismaël jeta les corps morts des hommes qu'il tua à l'occasion de Guédalja, et celle que le roi Asa avait fait faire, lorsqu'il eut peur de Baasa, roi d'Israël, et Ismaël, fils de Netanja, la remplit de gens tués. Et Ismaël emmena prisonniers tous ceux du peuple qui étaient demeurés de rester à Mitzpah, savoir, les filles du roi, et tout le peuple qui était demeuré de rester à Mitzpah, que Nebuzaradan, prévôt de l'autel, avait commis à Guédalja, fils d'Ahikam, Ismaël, dis-je, fils de Netanja, les emmenait prisonniers, et s'en allait pour passer vers les enfants de Hamon. Mais Johanan, fils de Caréa, et tous les capitaines des gens de guerre qui étaient avec lui, ayant entendu tout le mal qu'Ismaël, fils de Netanja, avait fait, ayant pris tous leurs gens, ils s'en allèrent pour combattre contre Ismaël, fils de Netanja, lequel ils rencontrèrent près des gros eaux qui sont à Gabaon. Et il arriva qu'aussitôt que tout le peuple qui était avec Ismaël, eut vu Johanan, fils de Caréa, et tous les capitaines des gens de guerre qui étaient avec lui, ils s'en réjouirent. Et tout le peuple qu'Ismaël, emmené prisonnier de Mitzpah, tourna visage, et se retournant ils s'en allèrent vers Johanan, fils de Caréa. Mais Ismaël, fils de Netanja, échappa avec 8 hommes de devant Johanan, et s'en alla vers les enfants de Hamon. Et Johanan, fils de Caréa, et tous les capitaines des gens de guerre qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple, qu'ils avaient retiré des mains d'Ismaël, fils de Netanja, lorsqu'il l'emmenait prisonnier de Mitzpah, après qu'il eut frappé Guédalja, fils d'Ahikam, savoir, les vaillants hommes de guerre, et les femmes et les enfants, et les eunuques, et ils les ramenèrent de Gabaon. Et ils s'en allèrent et demeurèrent à Gerut-Shimam, auprès de Bethléem, pour s'en aller et se retirer en Égypte, à cause des Chaldéens, car ils avaient peur d'eux, parce qu'Ismaël, fils de Netanja, avait tué Guédalja, fils d'Ahikam, qui avait été commis sur le pays par le roi de Babylone.